Victor Hugo, L'ogre et la fée. Lu par Juliette pour audiocité.net. Quiconque est amoureux est esclave et s'abdique. L'amour n'est pas l'amour, il s'appelle Ananké. Si l'on ne veut pas être à la porte flanquée, dès qu'on aime une belle, on s'observe, on se scrute. On met le naturel de côté, bête brute, on se fait ange, on est le nain micro-méga. Surtout, on ne fait point chez elle de dégâts. On se tait, on attend, jamais on ne s'ennuie. On trouve bon le givre et la bise et la pluie. On n'a ni faim ni soif, on est de droit transi. Un coup de dent de trop vous perd. Oyez ceci. Un brave ogre des bois, natif de Moscovie, était fort amoureux d'une fée, et l'envie qu'il avait d'épouser cette dame s'accrut, au point de rendre fou ce pauvre cœur tout brut. L'ogre, un beau jour d'hiver, peigne sa peau velue, se présente au palais de la fée et salue, et s'annonce à l'huissier comme « Prince Ogrouski ». La fée avait un fils, on ne sait pas de qui. Elle était ce jour-là sortie. Et quant aux mioches, bel enfant blond nourri de crème et de brioche, don fait par quelque Ulysse à cette Calypso, il était sous la porte et jouait au cerceau. On laissa l'ogre et lui tout seul dans l'antichambre. Comment passer le temps quand il neige en décembre? Et quand on n'a personne avec qui dire un mot, l'ogre se mit alors à croquer le marmot. C'est très simple, pourtant, c'est aller un peu vite, même lorsqu'on est ogre et qu'on est moscovite, que de gober ainsi les mioches du prochain. Le bâillement d'un ogre est frère de la faim. Quand la dame rentra, plus d'enfants, on s'informe. La fée avise l'ogre avec sa bouche énorme. « As-tu vu ? » cria-t-elle. « Un bel enfant que j'ai !» Le bon ogre naïf lui dit « Je l'ai mangé !» Or, c'était maladroit. Vous qui cherchez à plaire, jugez ce que devint l'ogre devant la mer, furieuse qu'il eût soupé de son dauphin. Que l'exemple vous serve. Aimez, mais soyez fin. Adorez votre belle et soyez plein d'astuces. N'allez pas lui manger comme cet ogre russe, son enfant, ou marcher sur la patte à son chien.